Yeah, El Matador. J'aime Paris, ici, c'est la mer. Marseille, c'est le Brésil. Les petites gâtis ont toutes des strings et les condés sont dépressifs. Tout le monde a arrêté le foot pour la fumette. La jeunesse du béton veut pas taffer à la truelle. Ça fait des nuits blanches pour pas se faire lever. Tu rouleras pas en BMW si tu comptes faire le gay. Certains rentrent en tôle, ressort balèze. Au bout de deux mois sans salaire, la droiture est une fausse alerte. Un gosse vide ses larmes devant son père qui tape sa mère. Plus tard il préférera le sky à l'eau minérale. Y'a pas de quoi ramener ta belle au cinéma. Les quartiers misérables se reconnaissent au cri des rats. C'est le western, les poulets friment le coup de sortie de leur vitre arrière. On fait bel air à l'épidémie de grippe aviaire. Index avise la tête, la vie malmène, déguise ta peine. C'est plus la fête, une fois les pupilles dilatées, prêt pour la guerre. T'as pas mis assez de thunes à gauche, ta liberté plus la tolle. Je sais, c'est moche, c'est la merde. Tu veux avoir la place du boss, sans mordre à la patte du porc. Essaye encore, c'est la merde. Faut les liasses, la pétasse, c'est le putain de folie. Identitas, pour toi l'esclavage est aboli. Le compte en banque a découvert, les plaquettes à découper. Dégoûté, dérouté, c'est la merde. J'suis comme Zidane en deux finales, j'mets trois coups de tête pour deux buts. Y'a pas d'I will survive si quelqu'un me traite de fils de pute. La rage nous contamine, les rats tiennent compagnie. Y'a plus le temps, faut qu'on aille vite, on focalise nos vies sur nos patries. Le diable me taille à de l'élève pour un sourire de l'ange. Certains les narines, les premières glissent sur la piste blanche. Ici ça pisse le sang, j'rappe sur un triste sample. Les petits ressentent la vérité parce que nos vies se ressemblent. L'aiguille ne recule pas, j'me dois d'avoir une longueur d'avance. La chance pour courir grave, je taffe pour être à la hauteur de la danse. Des frères se mettent, des balles, ça rend fou. Pour des histoires de caille de chatman, ça part en couille. Jeune fille, toi qui rêves du grand amour, sache qu'on t'invitera dans un bloc pour tirer la bourre. Un arrière-goût de pouce dans la bouche. On veut m'éclipser de peur que mon succès voit le jour. Ta famille, c'est une à gauche, ta liberté plus la tolle. Je sais, c'est moche, c'est la merde. Tu veux avoir la place du boss, sans mordre à la patte du porc. Essaye encore, c'est la merde. Faut les liasses, la pétasse, c'est le putain de folie. Identitas, pour toi l'esclavage est aboli. Le compte en banque a découvert, les plaquettes à découper. Dégoûté, dérouté, c'est la merde. Sur le terrain j'ai la trique, un dernier coup de rein pour la trique. Un stylo et une feuille, fumer le mic, c'est ma thérapie. Les fausses couches comme Materazzi, on rêve tous de Maserati. Sans finir maladif à la Mohamed Ali. Avec l'État impossible d'instaurer le dialogue, je suis l'ennemi public comme Dieudonné auprès d'une synagogue. Un style hardcore évidemment, un flow encore polyvalent. Faudrait qu'on me coupe la langue pour que je sois polygalant. Que tous les stars aillent se mettre les doigts. T'iras pas loin si ton modèle c'est Jean-Pascal ou Jean-Edouard. La jeunesse danse au chant des armes. La délinquance est dans les bacs. Y'a des bains de sang au fond des caves après la vente d'état. Un flow Kalashnikov, j'arrache les portes. Y'a pas plus fort dans ton hip-hop et ton hip-hop. Méfie-toi bien de l'œil du borne. Écoute mon chant de révolte vu que la chance est dans les cordes. Et le bonheur est dans le coffre criblé de bastos. Ta famille c'est une à gauche, ta liberté plus la tolle. Je sais, c'est moche, c'est la merde. Tu veux avoir la place du boss, ça mordra la patte du porc. Essaye encore, c'est la merde. Faut les liasses, la pétasse, c'est le putain de folie. Identitas, pour toi l'esclavage est aboli. Le compte en banque a découvert, les plaquettes à découper. Dégoûté, dérouté, c'est la merde. Yeah, c'est la merde mon pote. El Matador. Pour tous les quartiers de France, Marseille. Centre-ville, yeah. Gambetta, Bordeaux. Okay.